Quand quelqu'un me dit que je n'ai pas le droit de pleurer et que je lui demande pourquoi, et là il me répond parce que tu es quelqu'un de fort. J'ai bien beau être quelqu'un de fort, j'ai autant droit de pleurer comme quelqu'un de faible. Quand quelqu'un me dit ça, j'ai juste la sensation d'avoir un couteau blindé dans le cœur. Je me demande sans arrêt comment je fais pour lutter. La mort de quelqu'un vient de se produire, mais moi je n'ai pas le droit de pleurer, car je passe pour quelqu'un de faible. Mais pourquoi je n'ai pas le droit de montrer mes sentiments comme quelqu'un de normal? J'ai bien beau être quelqu'un de fort, j'ai autant droit de pleurer comme quelqu'un de faible. Quand quelqu'un me dit ça, j'ai juste la sensation d'avoir un couteau planté dans le cœur. Je me demande sans arrêt comment j'ai fait pour lutter. Si je tombe de haut, je n'ai toujours pas le droit de pleurer, car je passe pour quelqu'un de faible. Mais aujourd'hui, c'est différent, les choses vont changer. Je montre mes sentiments, j'ai mal, oui je le dis, mais maintenant ça fait moins mal, ça fait moins mal. Oh, oh, oh, oh. Mais bien, j'ai bien beau être quelqu'un de fort, j'ai autant droit de pleurer comme quelqu'un de faible. Quelqu'un me dit ça, j'ai juste la sensation d'avoir un couteau blindé dans le cœur. Je me demande sans arrêt comment je fais pour lutter. Moi, ma...